Il y a, certes, des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître. Elles sont à nous, à notre insu. Quoique cette question puisse paraître plus paradoxale que vraie, chaque personne de bonne foi en trouvera chez soi quelques preuves. De Balzac. Laisse, j'ai vu tes yeux, dans leur douce lumière, s'attacher sur des yeux qui donnent le bonheur. Et je ne sais quel deuil accable ma paupière, je ne sais quelle nuit environne mon cœur. Madame Valmore. 7. Un mois se passa. Berthe aurait été fort heureuse si des soins froidement offerts, si des égards sans prévenance, lui eussent suffi. Mais la jeune femme aimait avec passion, et l'élan de ce cœur tendre se trouvait à chaque instant comprimé. Et puis, elle n'était pas jalouse, non, ce sentiment ne pouvait entrer dans son âme noble et fière. Mais la présence de cette belle Alphée, si belle en comparaison d'elle, venait, pour ainsi dire, jeter un nuage sur sa vie. L'œil d'Eugène ne pouvait s'arrêter sur cette femme charmante sans que tout le corps de cette pauvre Berthe n'en tressaillît. Toutefois, ce qu'elle ressentait était soigneusement renfermé dans son sein. Sa figure offrait toujours l'apparence du calme. Elle savait que c'était bien assez d'être laide, sans y joindre encore des traces de douleur quelconque. Et si le sourire ne siégeait pas toujours sur sa bouche, du moins venait-il parfois égayer ses traits. Vers la fin de l'hiver, un très beau bal fut donné à l'opéra, au bénéfice des pauvres. Eugène prit des billets pour sa femme et sa belle-sœur et les engagea à y aller. Elles acceptèrent, toutes deux. Le soir du bal vint. Berthe, se rappelant cette phrase de Madame de Staël, « Le désespoir d'être laide ne se trahit jamais mieux que par une grande parure », avait choisi une toilette des plus simples. Alphée éblouissait. On voyait la vie circuler à travers sa peau satinée. La guirlande, qui parait son front, semblait un diadème de reine. Il y avait quelque chose de suave, d'odorant dans sa robe, dans ses cheveux, dans chaque perle de son collier. Un charme indéfinissable était attaché à chacun de ses mouvements. Elle tenait à la terre par les pieds, son regard venait du ciel. Quand elle parut dans l'enceinte du bal, mollement appuyée sur le bras d'Eugène, lorsqu'on la vit s'avancer le front baissé, presque honteuse d'être aussi belle, un murmure d'admiration l'accueillit, les rangs s'ouvrirent d'eux-mêmes à son approche. C'était comme un hommage qu'on lui rendait et dont Eugène prit sa part, car, jetant un superbe regard sur sa charmante compagne, involontairement il serra le bras qui reposait sur le sien. Berthe suivait, triste, pâle, ayant peine à traverser le sillon ouvert pour Alphée et qui se refermait à mesure qu'elle passait. Eugène les conduisit dans une loge. Un essaim de jeunes hommes renommés par leur élégance les y suivirent. Ils se targuaient de la connaissance de Berthe pour venir saluer Alphée. « Madame, voudrait-elle danser ?» lui demanda un de ces élégants aux gants jaunes, aux petits lorgnons et se posant dans sa cravate. « Madame est engagée !» répliqua Eugène assez vivement. Puis, prenant la main d'Alphée, l'entraînant, ils sortirent tous deux de la loge, laissant Berthe tout étonnée de cette précipitation. D'abord, le premier sentiment de cette jeune femme, se voyant seule, fut la crainte de se trouver ainsi au milieu d'une foule si nombreuse, parmi tant de visages inconnus. Elle eut presque peur. Cherchant du regard Eugène et Alphée, elle les aperçut au milieu d'un groupe. Ils valsaient, leurs bras étaient enlacés, leurs pieds effleuraient la terre, leurs corps se balançaient admirablement. Il y a du prestige dans cette danse qui tourne. Les deux jeunes gens s'y abandonnaient avec mollesse. Berthe, sans savoir pourquoi, sentit un froid mortel se glisser jusqu'à son cœur. « Qu'elle est belle !» disait la pauvre délaissée, sans envie aucune, mais avec amertume. Qu'on est heureux d'être belle ainsi. Et sa poitrine se gonfla, car elle pensa qu'Eugène, cet Eugène qui était tout pour elle, l'aurait peut-être un peu aimée si... Un profond soupir acheva cette pensée. « Il s'amuse, » murmura-t-elle après un long moment. « Et pourtant la nuit s'avance, et la fatigue, ni le désir de venir me retrouver, ne les ramènent à leur place. Mon Dieu, on dirait qu'ils m'ont oublié. » Mais ses yeux, attachés sur les deux valseurs, deviennent tout à coup fixes, hagards, comme s'ils eussent ressenti une commotion électrique. L'infortuné, c'était pourtant bien peu de choses qui la faisaient ainsi tressaillir et froidir. Ce n'était qu'un regard, de gêne, tombé à dessein, ou par hasard, je ne sais, sur la jeune et belle Alphée. Mais dans ce regard, il y avait tout ce qu'un œil humain peut renfermer d'amour à la fois, tout ce que la passion la plus vive peut exprimer dans un jet de flamme. C'était un éclair d'ivresse, de bonheur, de désir ineffable, et tout cela dans un seul regard. Ô Berthe, pauvre Berthe, elle eût donné son cœur, sa vie, son âme, et elle avec, pour ce regard-là. Suffoquée, hors d'elle, sentant ses larmes couler, elle sortit à la hâte de la loge et se trouva dans le corridor. Beaucoup de monde allait et venait. C'est le propre des gens timides de croire que chacun s'occupe d'eux, les remarque, lorsque le plus souvent il n'en est rien. Berthe pensa cela, et, craintive, honteuse, ne sachant où se retourner, où aller, que faire, elle s'adressa à une ouvreuse, feignit d'avoir quelque chose de dérangé à sa toilette, et la pria de la conduire dans une baignoire, ce que celle-ci fit. Le premier soin de Berthe fut de lever tous les stores, puis, sans réflexion aucune que le souvenir de son abandon, elle se laissa tomber sur une chaise et fondit en larmes. Bientôt, la raison prit le dessus. Pourquoi pleurait-elle? Qu'est-ce donc qui lui causait une douleur aussi amère? Qu'avait-elle vu? Mais rien que de fort simple. Éloignée de la danse, par sa taille disgracieuse, par sa laideur, ce qui lui arrivait était naturel. Et quant à ce regard, elle repoussa bien vite et avec horreur l'affreuse idée qu'il lui avait suggérée. Toutefois, sans se rendre un vrai compte de cette idée, elle s'écria presque tout haut « Oh, c'est impossible! Ce serait atroce !» Puis elle en vint, la bonne et confiante femme, à sourire de ses vaines terreurs, à essuyer ses joues humides, à se disposer à retourner dans la salle du bal. Au même instant, deux personnes entraient dans la loge contiguë à la sienne. Elle reconnut les voix d'Alphée, d'Eugène, et un sentiment indéfinissable la fit se rasseoir, se taire, écouter.